chrono, handball. Allez, on va y rester dans le handball. Je vais vous donner un petit peu les résultats de la 22e journée de championnat, puisque le SC Marseille recevait Digne. Alors, ça, c'est les hommes. On va revenir à la National 3 féminine, poule 8. Les résultats de la 21e journée de championnat. Plan de Cuque recevait Marseille au Nord. C'était le derby gagné par Plan de Cuque 37-18. Et le Beauvoisin recevait Clermont-Salagou. Là aussi, un match qui a senti un petit peu la poudre. Et c'est Clermont-Salagou qui est allé arracher la victoire 27-22. Il y avait l'Accro qui recevait Grasse. Et bien Grasse a disposé de l'Accro 43-33. Bourg de Péage face à Cagnes-sur-Mer. C'est même pas la peine de dire le score, tellement cette équipe de Bourg de Péage est déjà prête pour l'étage supérieur, 41-21. Et Mazan face à Ajaccio, le match piège, il ne fallait pas se désorganiser parce qu'il y avait au bout le barrage, et bien c'est fait, 50-26. C'est pratiquement un délit d'attente que les filles de Mazan ont battu cette équipe d'Ajaccio. Et hier, on recevait Bouillargues, 24-22. Voilà, ces filles qui sont prêtes. Aujourd'hui, on peut ouvrir les journaux. On est très heureux pour les dirigeants et surtout Carl Vinsonneau, pour tous ces bénévoles de ce club de Mazan qui peuvent se regarder dans une glace ce soir. Ils doivent être très heureux parce que la photo est élogieuse par nos amis du Dauphiné Libéré, puisqu'on les voit toutes rayonnantes et très heureuses. Les barrages dans la poche. Et pour en parler, c'est Carl Vinsonneau qui est au téléphone. Salut Carl, on commence à devenir de plus en plus, on va dire, passionné, passionnant dans cette belle aventure qui se passe du côté de Mazan. Bonsoir. Ben ouais, hein, c'est sympa, ça fait plaisir. Ça fait plaisir ce qui s'est passé hier, ouais, on est content, ouais. Ah, les filles le voulaient, je crois que moi je suis très heureux quand je vois un petit peu les filles qui ont marqué des buts du côté de Mazan, hein. Bernard, Carceller, Fourreau, Cinq, Gamet, Le Forestier, Mas, Ricard, la capitaine, Tellen, qui va prendre sa retraite l'année prochaine et qui vit quelque chose de fabuleux parce que toujours joueuse de ce niveau et qui décide un jour ou l'autre de raccrocher, que ce soit les crampons, les baskets ou le maillot. Eh bien, finir une saison en beauté comme ça, et Walsh, j'ai oublié, qui a marqué 9 buts dans la soirée. Je crois que tout compte fait, on sent un groupe déterminé à faire quelque chose, à écrire une page d'histoire à Mazan. Qu'est-ce que tu en penses? De toute façon, maintenant qu'on y est, qu'on peut prétendre à jouer les barrages, on y va pour. On va tout faire pour les gagner, hein, ça c'est clair. Après, ça va être compliqué, mais. Ouais, ce qui était intéressant dimanche, c'est qu'elles ont mis, elles ont bien joué. Ça a été, elles ont joué juste, elles ont joué intelligemment, sans trop de pression, en tout cas moins que la semaine d'avant. Et voilà, sur le banc, c'était agréable parce qu'il n'y a pas eu grand-chose à faire, on va dire. Et ça, je les remercie globalement pour ça. C'était un dimanche plutôt tranquille pour Vincent et moi sur le banc, et c'était vraiment sympa. Ouais, je vois la photo est révélateur de ce qui s'est passé dans cette salle de Mazan, hein, parce que bon, on voit quand on regarde un petit peu les journaux locaux, on voit qu'elles ont la banane, quoi. Le prochain match qui arrive, le score, on n'en tiendra pas rigueur. L'idée c'est on fait une bonne dynamique, un match contre le leader, chez eux d'un but. Voilà, l'idée, ça serait quand même de valider cette deuxième phase de championnat qui a été plutôt performante et d'y aller pour gagner quand même. On va pas faire 3h30 de route pour pas tenter de gagner le match. Alors tu sais que Carl, nous malheureusement, par des problèmes avec. C'est pas des problèmes, hein, mais c'est un droit qu'on nous donne d'émettre pendant une fréquence temporaire, pendant quelques mois. Malheureusement, ouais. On est obligé de rendre l'antenne, c'est le cas de le dire. On est obligé de rendre l'antenne le 12 juin. Par contre, comment va s'articuler un petit peu ce week-end de repos qui arrive? Parce que c'est le repos ce week-end qui arrive là. Hein. Ouais, cette semaine, elles vont s'entraîner qu'une fois, mercredi, et puis on va leur laisser le week-end de l'Ascension. Et puis on reprend sans doute par une semaine de physique sans trop toucher la balle la semaine d'après. Et puis les 3 semaines pour arriver en forme au match, pardon. La semaine va démarrer quand pour le prochain entraînement après mercredi, elles ont entraînement. Oui. Et puis après on repart sur 3 entraînements par semaine la semaine d'après, donc la semaine du 31 mai là. Parce que moi mon idée, je sais que tu es peut-être pas favorable à ma demande, même si on a beaucoup, on commence à avoir beaucoup d'affinités, parce qu'on est, on est derrière vous maintenant à fond, et tu sais qu'on en a bien besoin dans ce Vaucluse qui est malheureusement bien touché au niveau des sports d'équipe, au niveau des sensations et au niveau, on va dire, des émotions, comme une montée, comme des finales, puisque les finales, c'est des choses qui ont un autre parfum qu'un championnat. Lundi prochain, j'aurais aimé, c'est une demande, mais qui est peut-être pas justifié, c'est toi qui vas me le dire. J'aimerais t'avoir dans mes studios, s'il y a possibilité, avec peut-être prendre une joueuse aussi. Ouais, peut-être deux ou trois joueuses, des joueuses qui veulent venir s'exprimer, venir parler un petit peu. On va pas mettre la pression, mais on va leur rendre hommage, parce que ça sera pour nous une façon de, d'être derrière vous le 17 juin. Ben, je leur demanderai, je les vois, ben, je leur enverrai un message pour celles qui veulent venir. Il y a pas, moi, je pense qu'il n'y a pas de raison. Hein. Voilà, on fera pratiquement une émission que sur ça, bien sûr, on parlera bien sûr de la une, on parlera un petit peu des prochains objectifs, on parlera de ce qui va se passer mercredi, parce que mercredi, je ne serai pas à la conférence de presse, parce que je suis malheureusement pris, mais on reparlera de tout ça lundi, ça veut dire qu'on fera un gros plan, parce qu'il y a des choses qui évoluent, et plutôt positivement pour moi, et en retour déjà, favorablement pour cet immense projet qui va avoir lieu mercredi. J'en parle pas trop parce que je veux pas couper la priorité à mes confrères de la presse qui seront présents et qui relateront ce qui s'est passé à Mazan, entre Mazan et Sorg, juste pour ouvrir une parenthèse. Bah écoute, on va mercredi il y a la conférence de presse pour présenter le projet à venir, et puis j'espère, on a hâte que ça commence, parce que on est pas mal motivé pour la saison prochaine, donc ça serait bien de finaliser cette montée si on pouvait, ça ferait avancer le projet un peu plus rapidement. Et voilà, c'est un ensemble, tout le monde est investi là-dedans, donc c'est intéressant. Ouais. Ouais, c'est très intéressant, surtout que les joueuses des deux camps, si je peux l'interpréter comme ça, sont, comment on dit, avides de vite mettre un maillot, la couleur que ça soit, hein, mais de faire partie de ce grand projet et de pouvoir sentir qu'en restant dans sa région, on peut évoluer à un très bon niveau. Puisque la Nationale 2, c'est un peu l'idée. Oui, mais c'est ça. C'est ce que germe ces jeunes joueuses que j'ai pu rencontrer et qui m'ont donné leur sentiment sur ce retour, sur ce mariage entre ces deux clubs. Voilà. Karl, tu nous as tout dit. Je crois que on s'entend souvent, c'est bon signe quand même. Ouais. Mais ça me fait. Mais tu sais qu'on en a besoin. Je veux dire, même les auditeurs, j'espère qu'eux aussi prennent beaucoup de plaisir à savoir qu'il y a des clubs qui vont vivre des choses émouvantes, sensationnelles, puisque un barrage, ça démarre à la montée du quart, ça se vit et jusqu'à la fin de la soirée. Et si elles jouent bien, ben elles vont gagner. Et si elles montent, et ben après à tout le reste, quoi. Et voilà quoi, on croise les doigts, on va bien travailler, bon, la motivation, il n'y aura pas de problème. Non. Voilà, il faut qu'on... La seule chose qui est sûre, c'est que s'ils perdent, s'ils venaient malheureusement échouer la dernière marche, c'est quelque part, ce ne sera pas de leur faute, parce qu'avec la cohésion et l'envie que les ont et la connaissance que les ont de leur jeu, chacune, sur la capacité physique à se connaître sur le terrain, c'est flagrant. C'est la force de Mazan cette année. Pour moi. Je prends ça comme un compliment. Hein. Non, je te le dis parce que c'est moi qui vois. Je viens pas très souvent, malheureusement. Hein. Je devrais venir plus souvent. Mais tant mieux, parce que quand je viens, je vois l'évolution qu'il y a dans cette équipe. Et c'est ce qui m'a, face à Clermont-Salagou, où la première mi-temps était d'un très très haut niveau. Il ne faut pas avoir honte de le dire. Hein. Je veux dire, j'ai remarqué qu'il a été marqué, si je ne me trompe, 31 buts en 30 minutes. Ça va très vite pour marquer, je veux dire. Une minute. On est content, le projet de jeu a bien. Bon, après, c'est un tout, c'est que les filles, bon, on en a déjà parlé, ont été plus présentes, le groupe était plus étoffé à l'entraînement en semaine, parce qu'on avait moins de joueuses à droite, à gauche. Donc voilà, quand on s'entraîne ensemble, qu'on vit des choses ensemble, et forcément, il y a des progrès, c'est bien. Ouais, parfait. Karl, je t'ai envoyé l'invitation. Je me tiendrai au courant avec toi. Je vais leur dire, je vais leur proposer. Je pense qu'il n'y aura pas de problème pour lundi prochain. Voilà, il faut juste envoyer l'heure et voilà. On verra. L'heure, ça sera bonheur, hein, ça sera aux alentours de 18h30 puisqu'on fera un spécial handball national 3 féminine. On parlera un petit peu de toute cette belle saison, du match qui va arriver et surtout, on va dire, la cerise sur le gâteau, cette montée en fédéral 2, en national 2, pardon, qui vous tend les bras. Fédéral 2, c'est pareil. C'est pareil, c'est pareil, exactement. Voilà, national 2, féminine, qui vous tend les bras, quoi. Et on n'a jamais été aussi près, excuse-moi de te le dire, depuis 9 ans que je vous suis. Je crois que là, bon, on va essayer. Bah, écoute, c'est que du bonheur. De toute façon, on voulait y être, on y est maintenant. Il n'y a pas de stress à voir, il n'y a que... Et du bonheur. C'est que du positif. Exactement. Donc, faut avoir peur de rien. Tout à fait. Et puis être prêt à tout donner sur le terrain quand on y sera, quoi. Exactement. Karl, merci, et puis à la semaine prochaine. À bientôt. Merci. À lundi, alors. Alors à lundi. Voilà, c'est fait. Pour le handball, je vous donne un petit peu le résultat de la pré-nationale. Il y avait des matchs qui se jouaient. Tandis que Marie vient d'arriver et on a bien sûr avec nous Eric Levasseur et Manon. On va dire bonsoir un petit peu à tout le monde juste avant de continuer dans le handball. Bonsoir Marie. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Eric. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu. Tout à l'heure dans Focus, on aura bien l'occasion d'élaborer et de voir un petit peu ce projet et surtout ce nouveau sport qui risque de faire, on va dire, des émulations. Avec nous Manon. Bonsoir Manon. Bonsoir. Contente d'être venue à Fly FM. Ah oui, ravi. Et puis je remercie bien sûr mon collègue, ami et chroniqueur de l'athlétisme, Didier Bougon, qui nous a rejoint. Bonsoir Didier. Bonsoir à tous et à toutes. Tu n'as pas trop viré ? Non, là j'ai cavalé, je peux te dire. Là. D'accord. La virade de Bédarine ne t'a pas fait chavirer ? Non, pas du tout. Très bien. Alors on va revenir maintenant plus à du handball, puisqu'on était dans la discipline handball. Je vous donne les résultats, bien sûr, de la pré-nationale féminine. C'était la dernière journée, la 22e journée de championnat. Puis on dit que j'entends plus rien. Je n'entends plus rien, merci. Ce soir. Bon, Marie est arrivée avec une caisse à outils. On va tout vous expliquer. Elle est en train de démonter. Tout à l'heure, si vous ne m'entendez plus, c'est pas grave, je serai par terre. Mais pour l'instant, revenons à la pré-nationale féminine. C'est ça le direct. Avec la 22e journée et dernière journée de championnat, Bordeaux recevait Égalières. Ils ont gagné 30-25, tandis que Châteauneuf, les Martigues face à Bollène en a fait de même avec 27-23. La SPTT est restée maître chez lui face à Gardanne. A perdu chez lui. 34-26, tandis que Sorgue, eux, ont bien gagné face à Miramas, 26-23. Le Grand Avignon a disposé des Sorgues du Comtat, 43-25. Et Aix recevait La Ciotat, eux aussi ont gagné, 35-15. Aix-Port-de-Bouc montera en National 3, puisqu'ils finissent premier avec 66 points. Deuxième, Grand Avignon, qui devrait jouer les barrages aussi, avec 62 points pour monter en National 3. Tandis que la SPTT Marseille finit troisième, Gardanne quatrième, cinquième, les Sorgues du Comtat Perne, sixième, Port-de-Bouc et septième, Sorgue. Félicitations aux dirigeants de Sorgue pour avoir fini septième dans cette pré-nationale féminine qui leur faisait défaut depuis des années. Ils essayaient de s'y mettre. Tenir. Malheureusement, il n'y arrivait pas. Football. Top chrono, football. Didier, est-ce que tu as le journal ? Tout à fait, ouais, mais je cherchais aussi Henri. Eh bien, malheureusement, monsieur Henri, c'est pas une fable de La Fontaine, il n'est pas là. Pour des raisons, on va dire, malheureusement, de travail professionnel. Et on est bien triste de ne pas l'avoir avec nous. Alors, comme il n'est pas là, on va dire que dans la page nationale, Marseille s'en sort bien. Font cinquième et Ligue Coupe Europa pour l'année prochaine. Voilà, tu veux juste dire que j'étais au Vélodrome pour partager, bien sûr. Je n'étais pas au courant. Cette soirée, c'est toi qui me l'as donc j'ai apprécié, bien sûr, la victoire de l'Olympique de Marseille qui jouera, bien sûr, en Europe League l'année prochaine. Pour le moment, on est en pleine discussion puisque Giroud est sur les tablettes tandis que Mananda devrait rejoindre la Canebière. Et peut-être, on est toujours un petit peu à savoir si Cavaille pourrait peut-être revenir à l'Olympique de Marseille. Ça serait vraiment déjà des grosses pointures qui arrivent dans ce mercato qui risque d'être brûlant du côté de la Canebière. Voilà pour la Ligue. On va parler CFA, hein, puisqu'on le disait. Ouais, mais je te la laisse à la poule D parce que c'était la dernière journée. Et là, déjà, les carottes sont cuites. Le Pontet ne s'appellera plus le Pontet l'année prochaine. On aura la primeur la semaine prochaine. Je l'apprends. Donc, Mont-de-Marsan contre SC Toulon 1-2. Pézenas, Tarbes 2-2, Fréjeux-Saint-Raphaël, Montpellier 2-1, hier 7-0-1, Monaco 2, Marseille 2-3-1, Le Pontet, Marignane, Gignac 2-4, Rodez, Colomiers 1-1, Martigues, Nice 3-2. Et je vois que Rodez est bien en tête avec un sacré total de 61 points. Et je descends tout en bas et bon dernier avec 16e, c'est Le Pontet avec 24 points. Donc les carottes sont cuites pour eux depuis un certain temps. Voilà, alors, ce qu'on peut voir, c'est que l'année prochaine, ils vont être donc en CFA2 ou voilà. Alors CFA2, on va l'appeler maintenant, ça s'appellera Le Pontet 84 Vaucluse, oui. Qui va prendre une nouvelle donne. Ça, c'est pour englober, on va dire, la communauté de communes des Grand Avignon. Et ça va devenir le club qui, on l'espère, dans les années à venir, rejoindra bien sûr le fameux Parc des Sports, qui est aujourd'hui la proie des corbeaux et des pies. C'est la seule chose à quoi sert le Parc des Sports d'Avignon. On espère que cette fois-ci, c'est le football qui va dominer d'ici 3 ans. Oui, espérons. Hein. Voilà. Ne se passe pas comme Arles-Avignon, pourtant, qui nous avait donné des envies, mais qui sont vite terminés en pleurs. Hein. Oui, non, mais bon, sur le grand, si on parle un petit peu de la Serre à l'Avignon, il faut juste se rappeler quand même que c'était qu'une image. Quand on a une équipe une et qu'on n'a pas de centre de formation, qu'on n'a pas une école de football qui porte le même nom et qui s'entraîne pratiquement et qui joue sur le terrain, par moment, c'est plutôt gratifiant pour le club. Mais là, ça n'était pas du tout le cas. Il y avait l'équipe une et après, il n'y avait plus rien. Et ce qui est dommage, c'est le gros boulot de coach qui était à Arles et qui a vu tout s'envoler. Enfin bon, on va pas résumer. Allez, revenons un petit peu à cette équipe de Pernes qui a gagné, bien sûr, le droit de rester en honneur parce qu'ils ont fait le job. Ils sont allés gagner du côté de Côte-Bleue 2-0. Il fallait, le deal était là, il fallait aller gagner en Ligue Méditerranée honneur, gagner du côté de Côte-Bleue pour pouvoir rester en honneur. Eh bien, c'est fait. Pernes l'a fait, ils sont allés gagner 2-0 et ce qui leur permet maintenant de se dire, eh bien on y est, on y reste et on verra bien l'année prochaine ce qu'il en est au niveau des recrutements, car ce championnat était très très dur en honneur méditerranée. En honneur régional, eh bien nos amis de Courtaison, je suis encore en train de les chercher comme chaque fois, ils recevaient Drancy, eux aussi ils ont gagné 3-0. C'est vrai que Courtaison avait de grosses ambitions cette année, ils espéraient pouvoir monter en Ligue Honneur, eh bien malheureusement ça s'est joué à rien, parce que quand on regarde un petit peu le classement final, on s'aperçoit que les deux dernières rencontres ont été, on va dire, cruciaux et cruciales pour les jeux, pour les clubs qui désiraient monter en Ligue Méditerranée, puisque si on regarde la Carcarane, la Croix, 72 points, les Carnot, Marseille, 71 points, Consola, Marseille 2, 68 points, Mandelieu, 68 points, Le Pontet 2, 66 points, pardon, et Courtaison, 65 points. Deux victoires leur permettraient d'attendre les barragistes, puisque les barragistes, c'est le second et le troisième de la poule. Et bien voilà, malheureusement, ça ne sera pas pour cette année, ça sera pour l'année prochaine. On espère qu'au Courtaison, on aura le recrutement et les joueurs pour pouvoir accéder. Tout à fait, mais quand même, chapeau à eux. Hein. Chapeau à eux, parce que pour Courtaison, au niveau du football, c'est un petit village. C'est un petit village, voilà. C'est un petit peu comme un autre village où les sept rivières le traversent, le rugby, la SBC. Petit village, grand club. Grand club, petit voilà. Village, grand club. Tu as tout résumé là. En district Rouen-Durance, ce qui est sûr, c'est que Mayenne jouera l'année prochaine en DHR, puisque le leader de la PHA, si je ne me trompe pas, a perdu, malheureusement, face à Montfavet qui espérait aussi faire partie des barragistes. Et bien non, l'US Le Pontet sera le barragiste pour l'accession DHR, tandis que Vedane finira 3e de ce classement, 4e Montfavet, 5e Nove, 6e Courtaison 2, et on retrouve au 8e Carpentras, et Lille-sur-Sorgue finit 10e, et Nyons sera le plus grand regret de cette saison en football, puisque Nyons, le club est dissous. Ils ont fait forfait en milieu de saison. Il faut savoir que l'année dernière, ils avaient été champions de PHB. Ils avaient été mis en lumière lors de la soirée des trophées du foot au Capitole, à Avignon. Et bien, cette année, ça ne sera pas le cas, puisque le club va descendre directement en première division la saison prochaine. C'est vraiment triste pour ce club. Ce qui est sûr, c'est que Saint-Didier rejoindra la PHA l'année prochaine, puisqu'en PHB, ils ont fini premier, deuxième Cavaillon, troisième Jonquière, Orange, c'était déjà officiel depuis quelques semaines, mais maintenant c'est réel. Orange jouera l'année prochaine en PHA, tandis que l'Espérance Sorgaise aura bien fini second avec 79 points, tandis qu'Orange en avait 88 points. Voilà pour les matchs de football de ce soir. Top chrono, athlétisme. Voilà, on y est. Parce que là, on y est, Didier. Oui. T'as tellement viré que la virade... <Tu crois>, hein. C'est pour toi, mon bleu cher. Bon, il faut savoir que cette petite virade du côté de Bédarine s'est alors, très bien passée. Je te reprends deux minutes parce que c'est plutôt pagnolesque ce qui va se passer dans ce voilà, studio. Voilà, on est là pour ça aussi. Quand tu dis cette petite, ça veut dire quoi? Parce qu'ils étaient 300, ils sont devenus 170. Tu es en train de soulever un problème dans, ce, dans cette course. Attends, on va les vexer. Hein. Non, non, moi j'estime que pour la date qui était choisie... espérer 100 personnes de plus, c'était pas évident. On était en plein tour d'interclub. Tous les clubs étaient recrutés à droite à gauche, aussi bien en honneur, en promotion ou en National 2. Et c'était la seule course, mais au moins, elles ont fait honneur parce qu'il y a eu la virade des filles qui est sur un 6,2 km qui a réussi. Alors, je vais te laisser nous expliquer tout ça, même de parler un petit peu du classement. Pendant ce temps, je vais aller voir de l'autre côté notre amie Monique. Alors, nous avons la chance que pour cette première édition au niveau de la virade des filles, 40 personnes. C'était un honneur aussi au niveau du président Olivier Gilly de mettre une deuxième distance, mais au niveau de la gente féminine. Tout cela se résumait simplement, c'est que les dons, l'argent versé va être redonné à une association sur Carpentras au niveau de la défense des femmes, femmes battues, et voilà, donc c'est une initiative prise par le président et aussi par son adjointe, la vice-présidente. Je n'ai pas son nom en tête, simplement c'est clair, et je lui ai fait honneur d'avoir lancé cette idée. Ensuite, la course, la grande distance qui était de 12 km, a vu 170 participants, ce qui était sympathique, puisque, comme on l'a dit tout au début... au niveau de la date, c'est pas toujours évident. On a un calendrier quand même qui est assez bien rempli, chargé, et tous les clubs étaient réquisitionnés pour aller sur les stades pour représenter les interclubs. Donc, je vais vous donner les résultats. Alors, sur la virade des femmes, c'est Pamela Desbéi de Carpentras qui s'impose en 28-13 contre Francine Erlens entre 29-52 et Paul Bézombe en 32-05. Côté homme, nous allons voir sur la grande distance. Bon, il est présent sur toutes les distances. Et lui, surtout sur les grandes distances, sur le 13 km, c'est Swadif Awazizi de Esprit Course, suivi de Aziz Bouchou, qui est dans un autre club, puisqu'il était encore au CSMA l'année dernière, suivi de Mustapha Abous du CSMA, Daniel Gossi, qui était un triathlète du Mistral TC en 48-34, et Hicham Baghdadi, qui s'impose. Bon, et côté féminine, elle revient, disons... sur le Vaucluse, puisqu'elle est de, je sais plus, elle est de Peugeot ou de Rochefort-du-Gard, c'est Amandine Morisset qui, au niveau du scratch, s'impose à la 15e place, oui. Juste pour Monique. Oui, le micro va revenir. J'aimerais m'excuser auprès de El Ouazizi, Wadif. On avait pris son interview. Malheureusement, il y a eu un bug. C'était inaudible. Et le problème, c'est que malheureusement, on ne pourra pas le passer ce soir. J'aimerais remercier ce garçon parce que c'est un compétiteur. C'est quelqu'un qui est venu pour faire la course et pour se préparer pour le 5000 la semaine prochaine. Pour le 5000, oui. Au niveau des départementaux. Exactement. Ensuite, comme je te l'ai dit, Amandine Morisset revient tout premier plan, mais il faut savoir que c'était une ancienne pistarde et puis c'était une personne qui, sur 10 000, était capable de tourner sur des bases de 36-34 minutes. Bien entraîné puisque son mari était un coach très reconnu dans le domaine du haut niveau et elle s'est imposée quand même assez facilement. J'ai un petit retour ou un non-retour, voilà, ça revient. C'est mieux. Didier, si tu préfères, va avoir aussi deux interviews. Mais je vais te proposer d'entrer, d'écouter un petit peu Cécile Lefèvre. On va regarder Monique et on va passer Cécile Lefèvre qui a fini première master féminine. Tout à fait. Et dans cette catégorie. Sixième au scratch. Alors, je suis en présence de Cécile Lefèvre qui est la première master chez les femmes au niveau de la virade et surtout de la grande course de 12,5 km à Bédarides. Tes impressions, Cécile? Très belle course, variée, avec du plat un peu rapide et puis des belles côtes. Agréable. Et la troisième place. La chaleur ne t'a pas trop gêné? La on va dire que non, ça va quand même. ça va. Il y avait des endroits ombragés, donc il y a un petit air par endroit, donc ça allait. Alors, on dit, il fait partie de... Alors moi, je croyais que tes impressions aussi, c'était tout ce qui était course de trail, course de montagne, mais apparemment... Tu t'adaptes à différents terrains. Je m'adapte un petit peu à tout. C'est vrai que je préfère quand c'est un peu vallonné. J'aime pas trop quand c'est plat. Très bien. Alors le cross aussi, le cross, ça fait pas tellement longtemps que tu en fais, mais je sais que tu étais un moment dans l'équipe du club de Montfavet. Ça t'a boosté aussi pour gagner en résistance, en vitesse. Oui, c'est vrai que en plus, Mounir Yemouni m'avait fait un plan d'entraînement qui m'avait fait beaucoup progresser. Et puis, j'ai été un peu stoppée dans ma progression parce que j'ai attrapé un mauvais virus, donc je reprends tranquillement. Tu es toujours au club de Montfavet ? Non. Tu as changé d'optique ? Le plaisir ou un autre club ou une association ? Une association, l'association de mon village, pour courir avec des gens sympathiques et sans objectif de performance, le temps de me remettre au niveau de la santé. C'est le principal. Alors quel est le nom de cette nouvelle association ? C'est comment ? Ce sont les Galopins de Caumont. Très bien. Je te remercie. Ce que je te souhaite, c'est de bonne chance aussi au niveau de ta santé et puis aussi un encouragement pour le futur. Merci beaucoup. Je t'en prie. Voilà, je crois qu'on a écouté une athlète féminine qui s'est régalée à Bellerive. Oui, tout à fait, oui. C'était de bonnes impressions. Et aussi, nous allons avoir Daniel Gossi. Attention, c'est pas Didier, soit un petit peu plus... Je nous fais peur, on dirait que Didier... Gossi, pour ne pas le citer, va arrêter la course à pied. De toute façon que tu parles, non ? Je pense quand même... Je suis pas dans le négatif. Daniel, il n'est pas dans le négatif, il est dans le positif. Allons-y avec Daniel Gossi. Alors Daniel, tes impressions sur cette course à la Bédaride ? Oh, bonne impression, on n'est pas parti trop vite, on était 3,20 au premier kilo, donc c'est des vitesses qu'on arrive assez facilement à encaisser de par le volume d'entraînement qu'on a. Donc après, ça passe parce que c'est quand même pas très très long dans la mesure où on prépare du longue distance, 13 km, on sait qu'on va naviguer entre 45 et 50, donc ça passe très bien par rapport au volume qu'on a. Puis je sais que tu as des gros projets au niveau du Ventoux, tu peux nous résumer tout ça ? Donc pour cette saison, j'ai les Ventouman dans 15 jours. On a 2 km de nage, 90 à vélo, 20 en course à pied. Championnat de France longue distance. Puis le 15 août, on a le triathlon d'Ambrogne avec 4 km de nage, 190 à vélo, 42 en courant. Donc quand on part sur ces distances-là, on a un volume qui navigue à 15-17 heures d'entraînement par semaine. Donc voilà, je suis axé sur ces activités-là. Et Ambrogne, c'est un Ironman, il me semble. Voilà, complètement, c'est un Ironman. Donc il y a un très très gros dénivelé vélo avec le col de l'Isoard, Palon. On va frôler les 200 km puisqu'il y a une petite boucle éventuellement qui est rajoutée. Mais bon, ça va. Alors, combien de cols à l'Ironman ? Moins 3, non ? Ah oui, bon, le col le plus mythique, c'est le col de l'Isoard qu'on va passer au kilomètre 100. Mais sinon, après la préparation, nous, on a l'avantage d'habiter au pied du Ventoux. Donc le Ventoux, je le fais assez régulièrement. On essaye des braquets, on essaye des tas de choses. On essaye de l'alimentation pour s'alimenter sur entre 13 et 15 heures de compétition non-stop. Oui, mais... Le matin en Ambrun, dans le lac d'Ambrun, ça doit être frais. Hein. Voilà, le matin, c'est 6h du matin, départ natation. L'eau, non, ça va, elle est à 20-21. Bon, on a tous des combinaisons qui naviguent entre 3 et 4,5 d'épaisseur. Donc, c'est pas la température le plus pénible pendant la première 20 minutes, c'est la visibilité, puisqu'il fait complètement nuit noire. On doit le suivre des canoës qui sont comme des loupiottes, mais bon, ça se dégage assez rapidement et voilà, ça passe bien. Derrière aussi quand même ces trois cols, t'as un marathon aussi en course à pied. Voilà, donc il y a un marathon avec un dénivelé. Bon, la course à pied c'est quand même mon point fort. Moi je pratique une course d'attente, j'attends le marathon. Ça sert à rien de faire des vélos en 7 heures si tu passes un marathon en 4 heures. Il vaut mieux faire un vélo en 8 heures et passer un marathon en 3:15, 3:30. Là oui, tu remontes du monde parce qu'il y en a beaucoup justement. Voilà, c'était dit, alors bien sûr, Daniel Gossi, on était dans la course à pied, on était dans la virade, on s'est retrouvé au col d'Ambrun. C'est vrai, c'est un grand triathlète, hein, il ne faut pas le cacher. Chapeau monsieur. Ouais, on va surtout le rassurer, hein, on ne l'a pas censuré ce soir, mais on voulait rester quand même dans la course à pied, puisque la première des choses, c'était la course hors stade de la virade de Bédaride. Daniel Gossi, on le félicite pour tout ce qu'il fait, hein, parce qu'il s'est lancé plusieurs records, dont certains sont aboutis, d'autres malheureusement ont échoué. La fameuse 7 fois montée le Ventoux. Oui, puis 50 ans passés, bon, il est toujours là quand même, mais les gens me suivent et la tête aussi. Donc, revenons quand même à quelque chose qui a été innovant par le président Gilly, qu'on va écouter dans quelques minutes, c'est l'association Amado. Quelque chose de nouveau, j'ai trouvé ça sensationnel, à la fois de mettre en lumière ces femmes qui sont enceintes, qui sont battues, qui sont maltraitées, qui vivent très mal malheureusement, qui ont un refuge, c'est l'association Amado. Là aussi, peut-être, ce sera l'occasion aussi, à travers le sport, de parler de cette association, mais aussi de rendre hommage à ces personnes. C'est et pourquoi pas les faire revenir aussi dans une émission qui est dirigée par, qui est Monique fait partie, cette association Amado, qui a peut-être toute sa place à Fly FM pour parler de ces problèmes, ces petits soucis de ces femmes. Justement... Bric-à-brac, voilà, j'ai tout dit. Justement, à travers le sport, on peut ouvrir des fenêtres et puis... Allez, on va écouter Madame Hainaut, la présidente de cette association. Vous allez voir, j'ai pas grand-chose à dire. Hein. Madame Hainaut, Amado, l'association d'aide aux femmes enceintes, une course aujourd'hui organisée par la foulée des Sept Rivières. C'est quelque chose d'important pour vous? Oui, c'était la première année que c'était organisé. Le but était du coup d'une course féminine qui puisse du coup ramener des fonds pour l'association Amado, qui est en effet une association loi 1901, donc à but non lucratif. L'objectif étant d'accueillir des femmes enceintes, majeures, quel que soit le stade de leur grossesse, et de pouvoir leur permettre d'être protégées pendant le temps de la grossesse jusqu'au 3 mois du bébé, et pour leur permettre souvent d'être protégées soit de violences conjugales, soit parce qu'elles n'ont pas de lieu d'accueil à ce moment-là. Cette association existe depuis 10 ans, on a déjà accueilli 150 mamans, donc 150 bébés, et on fêtera d'ailleurs les 10 années d'Amado au mois de juillet, on fera un petit peu un pique-nique, une fête. C'est aussi une association où il y a énormément de bénévoles qui participent au quotidien de l'association, et que je peux remercier aussi à ce moment-là. Oui, est-ce que vous avez toujours autant de personnes qui sont autour de vous, malheureusement, des femmes qui sont dans le, on va dire, dans la tristesse, puisque quand on vient vers vous, on a besoin d'aide, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est vraiment des femmes qui n'ont pas d'autre lieu où aller. Il y a très peu de structures en France qui existent, puisqu'il y a beaucoup de structures d'accueil pour des femmes avec enfants, mais enceintes, il y a très peu de structures d'accueil. Et actuellement, on a 6 femmes accueillies sur la structure, avec un bébé qui est né hier soir et un bébé à naître là avant le 10 juin. Donc oui, c'est le quotidien de l'association, et souvent, les locaux sont pleins, les 6 appartements sont pleins. À noter aussi qu'on est en train de faire un nouvel appartement, donc on fait éventuellement appel aux dons, puisqu'on a besoin d'aménager cet appartement. Donc n'hésitez pas, l'association est à Carpentras, n'hésitez pas à nous appeler au 04 90 60 38 94 si vous souhaitez éventuellement participer à notre action. Merci. Eh bien, on va continuer comme ça, juste avant de rendre la parole à Didier, on va parler avec Monsieur Gilly, le président qui a décidé de quitter la foulée des Sept Rivières au niveau de la présidence. Ouais, Olivier Gilly, le président, foulée des Sept Rivières, toujours, ou on est en suspens après ce beau succès quand même, parce que cette course c'est toujours un succès à Bellaride. Hein. Oui, toujours, ce fut une belle petite course, le beau temps s'y prêtait, c'est parfait. Bon, cette année nous avions que 210 personnes, mais avec la virade des filles, donc c'était une nouvelle organisation, une nouvelle approche, donc il a fallu, on va dire, on a fait ça, on n'est pas très très bon, on va dire, en termes de communication, mais tout ça va s'améliorer au fil des années. Oui, on dit toujours que le président sera toujours dans les rouages de la foulée des Sept Rivières. Oui, toujours, hein, plutôt en arrière-plan, on va dire, mais je resterai un peu vigilant, un peu, oui, effectivement. C'était nécessaire? Oui, j'avais besoin de passer un petit peu les... Il faut renouveler au niveau de l'association. Il me semblait que 5 ans, c'est pas mal déjà pour un président. Et puis, il faut élargir un peu les idées, donc faire preuve d'ouverture avant tout. Cette association, Amado, c'est quelque chose qui était mûri et qui a mené un plus. Pourquoi partir C'est la première année que l'association des Sept Rivières aide une autre association, les femmes dans la difficulté. Oui, ben, en qualité de président, je reste dans l'esprit de l'association, donc aider tout simplement d'autres associations qui sont un peu dans la souffrance ou dans le besoin. Je trouve que c'est, on va dire, l'idée directrice d'un président d'association avant tout, avant toute chose, avant ce rapport à l'argent et autres. 201 concurrents, c'est un petit peu la tristesse de cette journée qui ramenait plus de 300 coureurs chaque année. Bon, la tristesse, non, encore une fois, c'est convivial, les gens qui viennent, on va dire des fidèles coureurs, se régalent toujours autour d'un buffet de convivialité, de produits faits par nos bénévoles. De notre côté, on a un peu moins de personnes, mais la qualité y est. Merci, Olivier. Je t'en prie, à bientôt. Voilà, bientôt, bien sûr. La suite, c'est le moment très attendu dans cette émission, puisque si vous ne savez pas quoi faire ce week-end, on va vous en donner des idées, vous allez voir. Le magazine Horizon, Marie nous a concocté des dates et des rendez-vous pour ce week-end, qui va être pas un week-end pour certains, mais carrément un viaduc de Millau. Oui, oui, en effet. Donc moi, qu'est-ce que je vais pouvoir vous proposer? Sachez que du 24 au 28 mai, la ville de Cavaillon accueillera le rallye mondial de motos anciennes, pour ceux qui aiment ce genre de véhicules, donc des motos anciennes. C'est la Fédération internationale de véhicules anciens qui organise ceci. Donc une centaine de pilotes parcourront le Ventoux, le Luberon et les Alpilles au volant de motos, pour la plupart antérieures à 1960. Donc si vous aimez ce genre de motos, vous pouvez les retrouver tout le long de leur parcours à Cavaillon, bord du Luberon, le Ventoux. Voilà, ça c'est pour le côté motocyclette. Ensuite, moi je vais vous proposer également du jeudi 25 au dimanche 28 mai un parcours VTT qui organise un séjour de 4 jours et 3 étapes VTT dans le Luberon. C'est Istres Sport VTT qui organise cela. Vous pourrez admirer de très beaux paysages, des parcours techniques et variés, des descentes mythiques. Et en tout, vous parcourrez 140 km avec un dénivelé cumulé de plus de 4000 mètres. Donc pour les amateurs de VTT, voilà, c'est Istres Sport VTT. Vous pouvez aller voir sur Internet. Jeudi 25, si vous préférez, non, c'est toujours dans le VTT, mais quelque chose d'un petit peu plus proche de chez nous. Le rallye des Tours à Château-Renard, cette année, il y aura un parcours commun de 25 km, auxquels s'ajouteront des boucles pouvant porter l'effort jusqu'à 50 km. Un panaché de boucles permet toutes les distances intermédiaires. 3 circuits VTT, un 25 km avec un dénivelé de 700 mètres, un 40 km avec un dénivelé de 1100 mètres, et un 50 km avec un dénivelé de 1200 mètres. Ce sera le randonnée VTT Cross Country, le rallye des Tours à Château-Renard. Et ça, c'est jeudi. Je vais vous proposer également le samedi, alors. Ce sera la 12e édition de randonnée VTT et pédestre, les Monts de Visan, organisée par les services des sports de la mairie de Visan. Il vous propose 2 circuits VTT, un 16 km et un 35 km, et un circuit pédestre, non, 2 circuits pédestres également, le 4 km et le 8 km. Et je finis enfin avec dimanche. Si vous préférez aller courir un peu, ce sera la Loriolade à l'Oriole du Comtat, avec une course enfant entre 6 et 11 ans de 700 mètres et un 5 et un 11 km. La surprise sera à la meilleure tenue de sport vintage. Il y aura également des expositions de vélos, de Vespa et de voitures anciennes. Pour ce long week-end, voilà. On n'a pas de balade bistrot. Ben non, plus tard. Ah, ça viendra plus tard. Ouais, au mois de juin. Très bien. Marie, qui va sûrement prendre quelques jours de vacances, toi aussi, est-ce que tu vas participer, faire du sport? Ou plutôt, c'est du sport autour d'une jolie table bien garnie? Plutôt. C'est un petit peu le même registre que je risque d'avoir ce week-end. Voilà, on en a terminé. Ben, on va ouvrir la belle page. Focus, ce soir. Ce soir dans Focus, c'est très très fort. On va voir si la technique... Vous êtes bienvenue dans le magazine Focus ce soir, hein, pendant 12 minutes. Malheureusement, le temps nous est compté. Eric Vasseur et Manon vont nous parler du Swin Run, bien sûr, sport reconnu par la Fédération française de triathlon. On va découvrir tout ça avec notre ami Didier Bougon qui va tout nous expliquer. Et ce soir, peut-être, on sera plus rassuré sur ce sport qui monte et qui est fun fashion. Oui, tout à fait. Bon, je connais Eric depuis quand même un certain temps. Je le connaissais en tant que triathlète. Et après, quand j'ai vu ce nom Greedy Team, j'ai voulu savoir d'où ça venait. Le Swin Run, bon, j'ai fait l'apparence avec le côté triathlon. Et Eric va nous donner plus de précisions, ainsi que Manon. Donc, bonsoir déjà Eric, parce que c'est la deuxième fois qu'on se voit. Et maintenant, bonsoir. Alors, Eric, bonsoir. Allons-y pour cette belle initiative et ce sport tout nouveau qui vient d'où d'abord? Alors, ben, en fait, merci de nous accueillir et de nous laisser un petit peu de temps pour parler de cette nouvelle discipline qui, on va dire, est comme, c'est tout nouveau en fait. Hein. Donc voilà, on va y aller. En fait, on essaye justement de promouvoir ce sport qui nous est, on va dire, la natation et la course à pied type trail et, on va dire, la nature qui nous anime. Donc c'est vrai que c'est un sport qui swimrun en français, ça veut dire nager et courir. Et ça tire ses racines de la Suède. En fait, voilà, bon, l'histoire, je crois que maintenant... Est-ce que c'est une attirance au sport nature? Parce qu'on exactement. Parle de natation, et bien souvent, quand on parle de natation, on parle piscine. Non, pas du tout. Là, on peut faire natation, ça dans un lac, dans...